Join me on RIG. Oh, la RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est la saga. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 410. Et contrairement à ce qui est écrit sur Facebook dans la petite pastille qui donne en principe l'album de la semaine, nous ne sommes pas le 9 avril, nous sommes bien le 10 avril. Bravo de l'avoir remarqué. Je n'avais pas fait attention, je ne sais pas comment j'étais lorsque j'ai programmé ça. Nous sommes le 10 avril d'ailleurs, le 10 avril 1970, il y a 49 ans, c'est ce jour-là que Paul a choisi pour diffuser un article de presse qui était d'ailleurs fait par lui-même pour dire « Je n'ai plus de projet avec les Beatles, les Beatles c'est terminé ». Et en fait, dans les faits, c'était fait depuis un petit moment, chacun allait de son côté. C'est Paul qui a essayé de les maintenir jusqu'au bout. Et puis, quand il a vu que vraiment ça n'allait pas, il s'est dit « Allez hop, puisque c'est comme ça, c'est moi qui pars ». Et John lui en a voulu, et George lui en a voulu, alors que finalement, George, qu'est-ce qu'il attendait? Il n'avait que deux chansons par disque, il attendait de pouvoir sortir ses albums solo. Donc, voilà, quant à Ringo, Ringo il suivait, quoi qu'il se passe. Ringo, voilà, il a participé avec tout le monde, c'est le bon copain, et il reste toujours quelqu'un de très bien. Bien, donc, l'album de la semaine, il n'y en a pas pour cette soirée. C'est une soirée spéciale cover, j'ai décidé de vous proposer les artistes qui ont influencé les Beatles. On écoutera du Chuck Berry, du Elvis, du Lonnie Donegan, du Eddie Cochran, forcément, du Little Richard, du Ricky Nelson, Elvis Presley, je ne sais plus si je l'ai dit, oui je l'ai dit, du Jesse Fuller, il y aura Carl Perkins, Cab Calloway, ce sera le plus vieux puisque le single date de 1931, il y aura Gene Vincent and his Blue Caps, Barrett Strong, The Stereos et Larry Williams. Il y aura également, bah, évidemment, des Beatles ou alors Lennon solo, McCartney solo, Harrison solo et Starr solo. Voilà. Pour tout le reste, eh bien, je vous convie à aller sur le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. C'est là qu'on se retrouve avec le petit post épinglé en haut. C'est la saga de ce soir, la saga numéro 410. Et tout va très, très, très bien se passer. Je vous propose de commencer avec Chuck Berry, cet extrait de l'album The Roots of McCartney. Mais Chuck Berry l'a sorti en single en 1958 et on en parle juste après. Sweet Little 16, Chuck Berry sur RIG. Bonne soirée à tous et à toutes, c'est une saga spéciale. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Sweet little 16, she just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. PA, deep in the heart of Texas, sweet little 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Little 16 est une chanson écrite et composée par Chuck Berry, sortie en single en janvier 1958. Elle constitua, après le titre My Dingling, alors j'ai en tête une chanson qui fait My Dingling, oh my dingling, I want you to play with my dingling. Est-ce que c'est celle-là? Je ne sais pas. Le deuxième, donc, plus grand succès de Berry, atteignant la seconde place des classements américains à sa sortie. Elle est classée 272e dans le classement des 500 plus grandes chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stones. Sweet Little 16 a été reprise de nombreuses fois, notamment en 60, reprise en live par Eddie Cochran, qui paraîtra sur son album posthume On the Air en 1987, en 61 par Vince Taylor sur Le Rock C'est Ça, en 62 par Jerry Lee Lewis, en 63 sans être une reprise au sens strict, Surfing USA des Beach Boys a une mélodie qui évoque fortement, oui plus que fortement, Sweet Little 16, avec des paroles pourtant modifiées pour coller à l'ambiance surf de la musique des Beach Boys. En 63, elle a été également adaptée en français par Dick Rivers sous le titre « T'as 16 ans demain » et par Johnny Hallyday, et oui, sous le titre « Douce fille de 16 ans ». En 75, elle sera reprise par John Lennon sur son album « Rock'n'Roll ». Vous me voyez venir, voici la version de John Lennon sur RIG. Rockin' in bars. bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Elvis, bien sûr, c'est une chanson de Rhythm and Blues signée Otis Blackwell et Elvis Presley, dont l'interprétation la plus célèbre est celle d'Elvis, en 1957. Bien qu'Elvis soit crédité comme co-auteur, ce serait Otis Blackwell seul qui a écrit cette chanson. Le premier artiste à l'enregistrer en 1956 est David Hill. Le simple est édité par le label Aladdin Records en 1957. Enregistré par le King le 12 janvier 1957 avec les Jordanaires dans les chœurs, elle est éditée par RCA le 22 mars avec That's When Your Heartaches Begin en face B. Elle est numéro 1 des ventes de disques aux États-Unis pendant 8 semaines. De nombreux artistes l'ayant reprise, on peut citer notamment Billy Joel pour le film Lune de miel à Las Vegas et un autre que vous devez connaître. Il s'appelle Paul McCartney, j'ai pas pris tous les gens qui l'ont reprise parce que c'est trop long. Et un autre s'appelle Paul McCartney, donc sur son album de reprise Run Devil Run en 1999. Voici la version de Paul, attention, ça déménage. Érigé 90.7, la radio des Beatles. Shook up, une saga spéciale cover aujourd'hui. He was moving up with me, then come waving goodbye in a little old souped-up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll, moaning, siren, towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye, New Jersey, I become airborne. Now you can't catch me. Flying with my baby last Saturday night, caught in a green cloud floating in sight. Big full moon shining up above, huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen, I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control, radio tune to rock and roll. 2-3 hours done passed us by. Altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast. Let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me. No, baby, you can't catch me. 'Cause if you get too close, you're gone like a coup. C'est un grand plaisir ce soir parce que j'aime le rock et même si je ne sais pas le danser, ça c'est du très très bon. You Can Catch Me est une chanson de Chuck Berry qui apparaît dans le film Rock Rock Rock de 1956. John Lennon a été condamné pour avoir emprunté des paroles à cette chanson. It comes all flat top. C'est parti, ça fait partie de You Can Catch Me. Cette condamnation aboutira à cette reprise bien connue sur l'album Rock and Roll de 1975. Du coup, il s'est dit, bah, puisque je suis condamné, je vais faire un album de reprise. Et il a mis 2 ans pour le faire, entre 73 et 75. Mais c'est bien, c'est un très très bon album de John Lennon, tant mieux. La chanson, entre autres, a été reprise par les Rolling Stones en 1965 sur leur album appelé Rolling Stones numéro 2. Je dois supposer que ça devait être leur deuxième album. On écoute la version de John Lennon en 75 sur l'album Rock and Roll. You Can't Catch Me sur RIG. Baby, you can't catch me.

mighty good role. You've got a right in like you find you get your ticket. The stakes you call the rock out of mine. Rock out of mine. Ticket at the station for the rock on the line. Je suis d'accord avec vous, la version de Ringo tient largement la route, c'est plutôt très très très bien. Vous êtes bien sur RIG 90.7, vous savez que c'est une émission consacrée aux Beatles qui a été créée en 1984, même si ça fait 12 ou 13 ans que nous sommes sur RIG. Nous, oui, parce que il y a les standardistes, il y a ceux qui m'aident à réaliser aussi, il y a ceux qui m'apportent le café, etc. Bien, puisque c'est une émission sur les Beatles, je vais vous recommander le meilleur site pour pouvoir tout savoir sur les Beatles. C'est le site de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Machine, when it comes to rocking, she's the queen. We'll love to dance on a Saturday night. I'll hold a loom where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevators are broken down. So I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm on the 12th, I'm starting to drag. 15th floor, I'm ready to sack. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she called me up on the telephone. Said, come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm on the 12th, I'm starting to drag. 15th floor, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. To Chicago for repairs, till it's fixed, I'm using the stairs. Hope to hurry up before it's late. I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. I find my corpse draped over a rail, but I climb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. I'm on the 12th, I'm starting to drag. 15th floor, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. 20 Flight Rock est une chanson d'Eddie Cochran de 1956 qui apparaît dans le film The Girl Can't Help It. C'est sorti l'année suivante, en 45 tours donc, en 1957. Le jeune adolescent de 15 ans, Paul McCartney, s'en est servi comme chanson pour l'audition qu'il a eue auprès des Quarrymen et un certain John Lennon en juillet 1957. Dans l'anthologie des Beatles, sortie en 1995, Paul McCartney dit que ce qu'il pense qui a le plus impressionné John à l'époque, c'est pas forcément qu'il sache le jouer, c'était surtout qu'il connaisse toutes les paroles de la chanson. Voici sa version à Paul McCartney, sortie alors sur un album vinyle que j'ai eu, un album seulement russe en 1988. Il devait rester un album russe, donc rare. Et puis finalement, il est sorti en CD en 1991. Voici 20 Flight Rock par Paul McCartney. I got the gal through the record machine. When it comes to rocking, she's a queen. Go to a dance on a Saturday night, all alone, rock and hold her tight. She lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down. So I'm all two by three by four, five, six, seven, eight by four. I'm on the 12, I'm starting to say 15 before I'm ready to try. Get to the top, up on the telephone, said, come on over, baby, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm a bad, really aching feet. This went on for a couple of days, but I could not stay away. So I'm on two, right, three, right, four, five, six, seven, right, eight, right, four. I'm on the 12, I'm starting to say, 15, before I'm ready to play. Get to the top, I'm too tired to rock. You know I'm too tired, babe. Well, I sent you to Chicago for a fair to inspect some useless stairs. I hope they heard before it's too late. Love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. If I'm a cop straight, don't believe it. But I'm all for two, right, three, right, four, five, six, seven, right, eight, right, four. I'm on the 12, I'm starting to say 15 before I'm ready to drag. I get to the top, and I'm too tired to roll. La saga des reprises, c'est ce soir dans la saga des Fab Four sur RIG. Et je vous propose deux chansons qui vont terminer en medley dans la reprise qu'en a fait John Lennon. Il s'agit de Little Richard qui nous chante Rip It Up et Ready Teddy. Rip It Up, c'est une chanson écrite par Robert Blackwell et John Moriscalco. Little Richard l'a sorti en premier en juin 56. Bill Haley et ses Comets l'a aussi chanté cette année-là. Cette chanson a été reprise entre autres par Elvis Presley, Bill Haley, je l'ai dit, Chuck Berry, Buddy Holly, Jerry and the Pacemaker et Gene Vincent. Les Everly Brothers ont enregistré une version en 57. On écoutera en suivant Ready Teddy. C'est une chanson rendue populaire pour la première fois par Little Richard aussi en 1956. Elle a été ensuite interprétée par Buddy Holly, Elvis Presley, Tony Sheridan et bien d'autres. Elle a reçu sa plus grande audience le 9 septembre 1956 quand Elvis l'a chantée devant quelques 60 millions de téléspectateurs pendant sa première apparition au Ed Sullivan Show sur CBS. Elle a ensuite été utilisée dans le film de Federico Fellini La Dolce Vita de 1960 dans une version par le rocker italiano italien, je vois Adriano Celentano et je lis italiano évidemment. Donc par le rocker italien Adriano Celentano. On écoute deux fois Little Richard, puis le medley qu'on a fait John Lennon, encore sur l'album Rock and Roll. Là, ça s'appelle Medley, Rip It Up, Ready Teddy. Et ça va rocker, je vous avertis. Well, it's Saturday night and I just got paid. Fool about my money, don't try to save. My heart say go, go, have a time for Saturday night. Now I'm feeling fine, I'm gonna rock it up. Tonight. maid, pick her up in my 88. Shag gon' down by the Union Hall. When the joints start jumping, I have a ball. I'm gonna rock it up. Tonight, along about 10, I'll be flying high, walk on out unto the sky. But I don't care if I spend my gold, cause tonight I'm gonna be one episode. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, gonna ball it up, I'm gonna rock it up and ball tonight. My heart say go, go, have a time for Saturday night. Now I'm feeling fine, I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rock it up and ball tonight. Along about 10, I'll be flying high, walk on out onto the sky. But I don't care if I spend my gold, cause tonight I'm gonna be one episode. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, gonna ball it up, I'm gonna rock it up and ball tonight. Ready, set, go, man, go. I got a gal that I love so I'm ready. Going to the corner, pick up my sweetie pie. She's my rock and roll, baby. She's the apple of my eye. I'm ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm really ready, ready to rock and roll. All the flat top cats and all the dungaree dolls. I headed for the gym to the sock hop ball. The joints really jumping, the cats are going wild. The music really set my day, the crazy style. I'm ready. Rock and roll. Gonna pick up my sweetie pie. She's the rock and roll, baby. She's the apple of my eye. I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. All the flat top cats and all the dungaree dolls. I'm headed for the gym to the sock hop ball. The joints really jumping, the cats are going wild. The music really set my teeth, the crazy style. I'm ready. Rock and roll, gonna kick off my shoes, roll up my faded jeep. I'm a rock and roll, baby, pull on the scene. I shuffle to the left, I shuffle to the right. Gonna rock and roll till the hell of the night. I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, ready, ready to rock and roll. On mixe les deux chansons, on met encore plus de hang et une belle voix de rocker. John Lennon sur RIG. Well, it's Saturday night and I just got paid. Morning, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Cause it's Saturday night and maybe I'm feeling fine. Gonna rip it up, gonna rock it up, gonna shake it up, gonna ball it up, gonna rock it up and ball tonight. Got me today and I don't be late. Pick her up in my 88. Shag on down to the Union Hall. When the jump starts jumping, I'll have a ball. Night. rares fois où j'ai fait DJ, j'ai utilisé cette chanson-là en fin d'un passage rock pour achever tout le monde. Et je vous assure que ça marchait bien. Je voudrais que l'on parle, qu'on soit plus cool, plus calme, avec une chanson qui s'appelle Lonesome Town. Une chanson écrite par Baker Knight et interprétée par Ricky Nelson en 1958. Une version française intitulée La rue des cœurs perdus a été écrite par Pierre Delanoë et enregistrée en 1959 par Richard Anthony. On la retrouve en 1999 sur l'album Run David Run, encore une fois, de Paul McCartney. Voici la version de Ricky Nelson. Vous ai-je dit quand elle était sortie, la version de Ricky Nelson, elle est sortie en 1958. Voici sa version, ensuite celle de Paul McCartney. Cool, cool, CRG. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken heart stays. Plus tard. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. Well, you can buy c'était la pause. On va rester sur cet album, mais on va revenir à la version originale. Il s'agit de I Got Stung. C'est enregistré par Elvis en 1958. Elle est présente sur l'album Run Devil Run, qu'on vient de quitter, de Paul McCartney en 1999. On écoute donc les deux versions. D'abord celle d'Elvis, puis la version de Paul McCartney. Attention, ça va rugir. Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah, yeah, I got stung by a sweet honey bee. Oh, what a feeling to hum over me. It started in my eyes, crept up to my head, flew to my heart. Well, I was stung, did I run? I got stung. Yeah, yeah, she had all that I wanted and more. And I've seen honeybees before. She started buzzing in my ear, my eyes, and in my brain. Got stung all over, but I feel no pain. I'm not wrong. I got stung. And I don't think I'm complaining. I'm mighty pleased as we met. Could you give me one little peck on the back of my neck? And I break out in a cold, cold sweat. Well, it's the length of 102. I won't let nobody sting me but you. I'll be buzzing like you have every day. If I have, I'm never gonna leave once I arrive. Cause I'm not wrong. I got stung. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Holy smokes, land sakes alive, I never thought this would happen to me. Paul McCartney, le rocker sur RIG 90.7. C'est la saga des Fab Four numéro 410. Et c'est une saga dédiée aux covers, aux chanteurs qui ont influencé les Beatles à travers les années. Et je vous propose de continuer avec San Francisco Bay Blues, sans doute la chanson la plus populaire de Jesse Fuller, sortie en 1956 et reprise en live par Paul McCartney en 1991 sur l'album Unplugged, The Official Bootleg. On écoute les deux versions, d'abord celle de Paul McCartney pour changer, oui, et ensuite il y aura celle de Jesse Fuller, extrait de l'album The Roots of Paul McCartney. Lay down and die. Well, I ain't got a dollar. I don't give a lousy dime. And if she never come back, you know I'm gonna lose my mind. But if she ever come back to stay, it's gonna be a brand new day. Well, I'm walking with my baby down by the San Francisco Bay. Yeah, yeah. Aimé être présent dans ce studio pour la version Unplugged de Paul McCartney en 1991. Voici la version de Jesse Fuller. Ah, ça change, c'est plus vieux. Thank you.

aujourd'hui entre 20h et 22h. C'est normal, c'est une saga spéciale cover avec les versions originales et les versions par les Beatles ou par les Fab Four. Juste après, et quelquefois l'inverse, c'est d'abord les Fab Four et ensuite les versions originales. C'est une envie que j'ai eue et apparemment ça vous plaît, donc peut-être qu'on le refera, on le refera, on verra bien. Mais là, nous allons remonter le temps, loin, loin, loin. Je vous avais dit en début d'émission que c'était la chanson la plus... Ah non, c'est pas celle-là. Bon alors c'est pas celle-là, j'ai rien dit. Between the Devil and... Ah si, c'est celle-là. Between the Devil and the Deep Blue Sea est enregistrée par Cab Calloway en 1931. Je vous avais dit que c'était vieux. Et on la retrouvera sur l'album Brainwashed en 2002 de George Harrison. Voici la version de Cab Calloway sur RIG. Between the devil and the deep blue sea, I ought to floss you off my lips, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. Mada dee doo dee da dee da dee da dee do. Skidit ba da la dee la dee la da la dee do. Wa dee do wa dee do wa dee da dee doo. The devil and the deep blue sea. Skidit ba da ba dee dee hee dee ba dee da dee. Skidit ba da gee ha dee ha dee be dee ha dee. Wa doo dee doo. The devil and the deep blue sea. Avec moins de bip, bip, bip, bip, bip, et un peu plus de ukulélé, c'est sur l'album Brainwashed de George Harrison. La voici. And again. One, two, one, two, three. I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I wanna cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. my list. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between a devil and a deep blue sea. Très sympathique par George Harrison sur l'album Brainwashed. Attention, on attaque un grand, grand classique, Bebop Lula. C'est une chanson figurant sur le premier disque du groupe de Gene Vincent and His Blue Caps, édité par Capitol Records en 1956. Adaptée par de nombreux artistes, elle fait figure de classique du rock'n'roll, comme je l'ai dit, et elle est reprise donc par, entre autres, Buddy Holly, les Everly Brothers en 56, Jerry Lee Lewis en 71 et 79, Carl Perkins en 78, Elvis, bien sûr, Elvis Presley, Chuck Berry, Cliff Richard en 83, Johnny Hallyday en 62 sur Sings America's Rocking Hits, également sur les Beatles Live at the Star Club à Hambourg en 62, John Lennon en 75, c'est la version qu'on écoutera, Eddie Mitchell en 75 aussi sur Rocking in Olympia 1975, et Paul McCartney en 1991 sur donc forcément l'album qu'on a écouté tout à l'heure, Unplugged, The Official Bootleg. Voici, faute de temps, seulement la version de Gene Vincent et la version de John Lennon à suivre sur RIG dans la saga des Fab Four. C'est sur 90.7 ou www.rigfm.fr. I don't mean my baby. She's my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind my baby. Bebopalula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. Let's rock again now. John Lennon, le rocker, en 1975 sur l'album Rock and Roll. Nous abordons la dernière ligne droite déjà. Hein. Qu'est-ce que ça passe drôlement vite. Encore une petite quarantaine de minutes avec... j'ai 44 minutes de chansons, donc on verra ce qu'on va pouvoir faire. Money, That's What I Want est une chanson de Rhythm and Blues écrite par Berry Gordy et Jenny Bradford, originellement interprétée par Barrett Strong en 1959. La version des Beatles, chantée énergiquement par Lennon, est enregistrée pour la première fois par le groupe le 1er janvier 1962, lors de leur audition pour la compagnie Decca avec Pete Best à la batterie. Choisies pour être incluses dans leur deuxième disque With the Beatles, finalement, 6 prises seront enregistrées le 18 juillet 63, tandis que les partitions de piano jouées par George Martin seront enregistrées le 30. Le mixage de la version mono sera finalisé le 21 août 63 et le 30 septembre 63, George Martin, réenregistre sa partie de piano qu'il utilisera pour le mixage stéréo le 30 octobre 1963. Voici les deux chansons, Money, That's What I Want par Barrett Strong, puis par les Beatles. Chanson par les Beatles. Extrait du George Harrison Jukebox, sorti en 2013, voici la chanson I Really Love You, enregistrée par les Stereos, d'abord connue sous le nom de Buckeyes, de 1955 à 1959. C'est un groupe américain de doo-wop, rock et pop, en activité jusqu'à la fin des années 60. Leur principal hit est I Really Love You, publié en 1962, qui s'est dressé à la 29e place du Billboard Hot 100, donc 100. Pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, le groupe a continué à publier des singles jusqu'en 68, mais sans grand succès. Voici la chanson I Really Love You. Juste après, on écoutera la version de George Harrison sur Gone Tropo, sortie en 1982. Après 1962, George Harrison la reprend telle qu'elle sur l'album Gone Tropo. Voici sa version. vous l'avez dit, la même version à peu près. George Harrison à l'instant sur RIG dans la saga des Fab Four spécial cover. Allez, une dernière pour la route, bon, pas une dernière chanson, mais une dernière anecdote. Dizzy, Miss Lizzy, est une chanson composée et interprétée par Larry Williams. Elle est publiée en single en mars 1958 avec pour face B Slow Down. N'empêche, l'air de rien. Sa reprise la plus fameuse est celle des Beatles sur l'album Help en 1965. Elle est la 14e et dernière chanson de l'album et est chantée par John Lennon. Avec Act Naturally, il s'agit de la dernière reprise enregistrée par le groupe. Après, plus de reprises. On écoute les deux chansons, Dizzy Miss Lizzy par Larry Williams, extrait de l'album The Roots of John Lennon, sorti en 2009, et puis la version des Beatles en 1965. Voici les Beatles et John Lennon en tête sur RIG.

but it's gonna take money. It's gonna take time, a lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it right. Demander du rock and roll. Ne quittez pas. McCartney, Rock'n'Roll en 1999 sur Run Devil Run. Je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que sur Facebook, Nathalie a mis un gif de George Harrison en train de danser sur Got My Mind Set On You, et George Harrison avait beaucoup ri sur ce clip-là parce que il avait dit bien entendu que ce n'est pas moi qui fais un flip arrière et qui danse, je serais bien incapable de faire ça. C'était du bon rock'n'roll. On écoute la version She Said Yeah de Larry Williams, qui date de bien avant, puisque cette version date en fait de... Oh, ben je ne sais pas. Je ne l'ai pas sur ma feuille. J'ai oublié de le noter. Eh bien, ce sera... Vous le saurez une autre fois. Si, je peux vous dire que c'est extrait de l'album Paul McCartney Jukebox en 2011, mais ça ne vous donnera pas la date. Oh, ça doit être des années 50, forcément. Let me make love to you. She said, yeah. She said, yeah. She said, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, come on, daddy. I wanna make love to you, too. I know I got the feeling in my soul. I know I love you. No one above you. Oh, come on, baby, just let me love you. Merci l'incroyable Rook sur Facebook, 1958 cette version. Voici Carl Perkins et Matchbox sur RIG. avec les Beatles, Matchbox sur RG. On essaie d'en passer deux dernières. Just Because Lloyd Price sur RG. Just because you left and said de John Lennon, ça donne ça. Ah, remember this? Why? I must have been 13 when this came out. Or was it 14? Or was it 22? I could have been 12, actually. c'est sur cette chanson qu'on se quitte. D'être resté encore une fois pour cette saga des Fab Four consacrée aux covers. J'en avais d'autres, mais deux heures, c'est trop court. C'est trop court. À très très bientôt. Je vous laisse entre de très bonnes mains, celle d'Eric, puisque je sais que ça va être bien, ça va être très très bien. Bonne soirée, à très bientôt. Salut.